Adélaïde Herculine Barbin, Mes souvenirs. 1. J'ai 25 ans, et, quoique jeune encore, j'approche à n'en pas douter du terme fatal de mon existence. J'ai beaucoup souffert et j'ai souffert seul, abandonné de tous. Ma place n'était pas marquée dans ce monde qui me fuyait, qui m'avait maudit. Pas un être vivant ne devait s'associer à cette immense douleur qui me prit au sortir de l'enfance, à cet âge où tout est beau parce que tout est jeune et brillant d'avenir. Cet âge n'a pas existé pour moi. J'avais, dès cet âge, un éloignement instinctif du monde, comme si j'avais pu comprendre déjà que je devais y vivre étranger. Soucieux et rêveur, mon front semblait s'affaisser sous le poids de sombres mélancolies. J'étais froide, timide et, en quelque sorte, insensible à toutes ces joies bruyantes et ingénues qui font épanouir un visage d'enfant. J'aimais la solitude, cette compagne du malheur, et lorsqu'un sourire bienveillant se levait sur moi, j'en étais heureuse, comme d'une faveur inespérée. Comme mon enfance, une grande partie de ma jeunesse s'écoula dans le calme délicieux des maisons religieuses. Des maisons véritablement pieuses, des cœurs droits et purs présidèrent à mon éducation. J'ai vu de près ces sanctuaires bénis où s'écoulent tant d'existences qui, dans le monde, eussent été brillantes et enviées. Les modestes vertus que j'ai vues briller n'ont pas peu contribué à me faire comprendre et aimer la religion vraie, celle du dévouement, de l'abnégation. Plus tard, au milieu des orages et des fautes de ma vie, ces souvenirs m'apparaissaient comme autant de visions célestes, et dont la vue fut pour moi un baume réparateur. Mes seules distractions à cette époque furent les quelques jours que j'allais passer chaque année dans une noble famille où ma mère était traitée en amie, bien plus qu'en gouvernante. Le chef de cette famille était l'un de ces hommes mûris par les malheurs d'une époque sinistre et désastreuse. La petite ville de L, où je suis née, possédait et possède encore un hospice civil et militaire. Une partie de ce vaste établissement était affectée spécialement au traitement des malades des deux sexes, nombre toujours considérable auquel, comme je l'ai dit, venait se joindre celui non moins grand que fournissait la garnison de la ville. L'autre partie de la maison appartenait tout entière à la jeunesse orpheline et abandonnée, qu'une naissance, presque toujours le fruit du crime ou du malheur, a laissé sans soutien dans ce monde. Pauvres êtres, frustrés dès le berceau des caresses d'une mère. Ce fut dans cet asile de la souffrance et du malheur que je passai quelques années de mon enfance. J'ai à peine connu mon malheureux père, qu'une mort foudroyante vint ravir trop tôt à la douce affection de ma mère, dont l'âme vaillante et courageuse essaya vainement de lutter contre les envahissements terribles de la pauvreté qui nous menaçait. Sa situation avait éveillé l'intérêt de quelques nobles cœurs. On la plaignit vivement. Et bientôt, des offres généreuses lui furent faites par la digne supérieure de la maison de L. Grâce à l'influence d'un administrateur, membre distingué du barreau de la ville, je fus admise dans cette sainte maison, où je devins l'objet de soins tout particuliers, bien que je vécusse parmi les enfants sans mère, élevés dans ce touchant asile. J'avais alors 7 ans, et j'ai encore présente à l'esprit la scène déchirante qui y précéda mon entrée. Le matin de ce jour, j'ignorais absolument ce qui allait se passer quelques heures après mon lever. Ma mère, m'ayant fait sortir comme dans un but de promenade, me conduisit en silence à la maison de L, où m'attendait la digne supérieure. Elle me prodigua les plus affectueuses caresses, pour me cacher sans doute les larmes que répandait en silence ma pauvre mère, qui, après m'avoir longtemps embrassée, s'éloigna tristement, sentant que son courage était épuisé. Son départ me serra le cœur, en me faisant comprendre que, désormais, j'appartenais à des mains étrangères. Mais, à cet âge, les impressions du repos et ma tristesse céda devant les distractions nouvelles qui me furent offertes dans ce but. Tout m'étonna d'abord. La vue de ces vastes cours, peuplées d'enfants ou de malades, le silence religieux de ces longs corridors, troublés seulement par les plaintes de la souffrance, ou le cri d'une agonie douloureuse, tout cela m'émut le cœur, mais sans m'effrayer pourtant. Les mères qui m'entouraient, offrant à mes regards d'enfant leur sourire d'ange, semblaient tant m'aimer. J'étais sans crainte à leur côté, et si heureuse lorsque l'une d'elles, me prenant sur ses genoux, m'offrait à baiser son doux visage. Je vis bientôt mes jeunes compagnes, et je les aimais bien vite. De leur part aussi, je me sentais l'objet d'une prédilection presque respectueuse, tant les pauvres enfants comprenaient combien leur sort différait du mien. J'avais, moi, une famille, une mère, et plus d'une fois j'excitais leur envie. Je le compris mieux plus tard. Une querelle d'enfants s'éleva entre nous. Je ne me rappelle plus pourquoi l'une d'elles, celle que j'affectionnais le plus, me reprocha amèrement de partager un pain qui n'était pas fait pour moi. Je passe rapidement sur ces premiers temps de ma vie que nul incident sérieux ne vint attrister. Un jour que, selon mon habitude, j'avais visité quelques malades indigents de la ville, la bonne sœur M, que j'accompagnais dans ses pauvres demeures, et dont, je dois le dire, j'étais l'enfant gâté, me prévint que j'allais être confiée désormais à d'autres soins. Elle avait obtenu, grâce à son influence généralement reconnue, que je fusse placée au couvent des Ursulines pour y faire ma première communion et recevoir en même temps une éducation plus soignée. Mon premier mouvement, je l'avoue, fut tout à la joie. La bonne religieuse le vit sans doute, car sa noble physionomie exprima une sorte de tristesse jalouse que j'attribuais, non sans raison, à la vivacité de son affection pour moi. « Là, me dit l'excellente femme, vous partagerez l'existence de jeunes filles riches et nobles pour la plupart. Vos compagnes d'études et de jeux ne seront plus les enfants sans nom avec lesquels vous avez vécu jusqu'à ce jour. » Et vous oublierez bientôt, sans doute, celles qui ont remplacé votre mère absente. Je l'ai déjà dit, je crois, j'aimais particulièrement la bonne sœur M, et je ne pus l'entendre m'accuser ainsi sans en être profondément froissée. J'avais pris une de ses mains que je serrais dans la mienne, et, ne pouvant autrement m'expliquer, car j'étais violemment émue, je la portai à mes lèvres. Cette protestation muette la rassura sur mes sentiments, sans toutefois lui faire oublier que d'autres, maintenant, allaient avoir des droits à mon affection, à mon respect. Quelques jours après, je faisais mon entrée au couvent de S, en qualité de pensionnaire. La bonne sœur M avait voulu m'y accompagner et me remettre elle-même aux mains de la supérieure de cette maison. Je n'oublierai jamais l'impression que je ressentis à la vue de cette femme. Je ne vis jamais tant de majestueuse grandeur et une si expressive beauté sous l'habit religieux. La mère Éléonore, ainsi qu'on l'appelait, appartenait, je l'ai su plus tard, à la plus haute noblesse de l'Écosse. Son maintien était fier et inspirait le respect. On ne pouvait cependant voir de physionomie plus sympathique, plus attrayante. La voir, c'était l'aimer. Elle joignait à des connaissances très étendues une rare habileté dont elle avait fait preuve dans la direction des affaires de sa maison. La considération sans borne dont elle jouissait dans le haut monde en avait fait une autorité dans la ville. D'autres que moi pourraient l'affirmer, elle la méritait sous tous les rapports. Au jour où j'écris ces lignes, elle a cessé d'exister, et je sens que je la regretterai toujours. Son souvenir est encore l'un des plus doux qui me soit resté. Au milieu des agitations incroyables de ma vie, j'aimais à me rappeler la suavité de son sourire d'ange, et je me sentais plus heureux. Je fus bientôt à l'aise dans cette sainte maison, sous l'égide d'une affection dont, instinctivement, j'étais aussi fier que j'en étais heureux. Le pensionnat était nombreux, et, comme je l'ai dit, il se composait particulièrement de jeunes filles appelées plus tard à occuper un certain rang dans la société, soit par leur naissance, soit par leur position de fortune. Il y avait donc entre elles et moi une ligne de démarcation naturelle que l'avenir seul pouvait briser. Je n'y eus cependant jamais à souffrir par elles de cette indifférence que la jeunesse comprend quelquefois trop vite et dont, à l'instar d'autres grands enfants, elle abuse cruellement. Toutes mes mères, et je dois le dire, je n'en éprouvais nulle fierté, car je croyais dès lors que mon affection n'avait pas le moindre prix à leurs yeux. Les études étaient sérieuses et confiées à des mains réellement intelligentes. Douée, comme je l'étais, d'une véritable aptitude pour les études sérieuses, j'en profitais bientôt avec avantage. Mes progrès furent rapides et excitèrent plus d'une fois l'étonnement de mes excellentes maîtresses. Il n'en fut pas de même des travaux manuels, pour lesquels je montrais la plus profonde aversion et la plus grande incapacité. Le temps employé par mes compagnes à la confection de ces petits chefs-d'œuvre destinés à orner un salon ou à parer un jeune frère, je le passais, moi, à la lecture. L'histoire ancienne ou moderne était ma passion favorite. J'y trouvais un aliment à ce besoin de connaître qui envahissait toutes mes facultés. Cette occupation chérie avait aussi le privilège de me distraire des tristesses vagues qui alors me dominaient tout entier. Que de fois je me dispensais de la promenade pour pouvoir, le livre à la main, me promener seul dans les magnifiques allées de notre beau jardin, à l'extrémité duquel se trouvait un petit bois planté de marronniers sombres et touffus. La vue était large, grandiose, et se réjouissait de cette végétation luxuriante des pays méridionaux. Que de fois aussi Madame Éléonore me surprit au milieu de cette rêverie inexplicable, et comme son regard savait me faire tout oublier. J'accourais radieuse à sa rencontre, et rarement je n'en obtenais pas un baiser que je rendais par une étreinte pleine d'un charme auquel je ne saurais rien comparer. J'éprouvais parfois un immense besoin d'affection vive et sincère, et, chose singulière, j'osais à peine la manifester. Je m'étais fait, parmi mes brillantes compagnes, une amie de la fille d'un conseiller à la cour royale d'eux. Je l'aimais à première vue, et, bien que son extérieur n'eût rien d'éblouissant, il attirait invinciblement par la grâce modeste répandue sur toute sa personne. Sans être beau, ses traits étaient d'une régularité charmante et portaient les douloureux stigmates d'un mal qui semble chercher de préférence ses victimes parmi les plus jeunes et les plus heureusement doués. La pauvre Léa était de ce nombre. À peine âgée de 17 ans, elle courbait déjà vers la terre un front où se lisaient des souffrances sourdes, mais qui ne devaient pas tarder à prendre un développement effrayant. J'avais deviné en elle un être souffrant, voué à une mort prématurée. La situation physique avait-elle opéré entre nous ce rapprochement qu'aurait dû empêcher la différence d'âge qui nous séparait, car je n'avais pas 12 ans, C'est ce que je ne saurais expliquer. Certaines sympathies ne s'expliquent pas. Elles naissent sans qu'on les provoque. À cette même époque, j'étais moi-même faible et d'une santé débile. Mon état n'était pas sans inspirer de sérieuses inquiétudes, ce qui m'explique certains regards des bonnes religieuses qui m'entouraient. J'étais, comme Léa, l'objet de soins constants et la salle de l'infirmerie nous réunit plus d'une fois. Je l'entourais d'un culte idéal et passionné tout à la fois. J'étais son esclave, son chien fidèle et reconnaissant. Je l'aimais avec cette ardeur que je mettais en toute chose. J'aurais presque pleuré de joie quand je la voyais abaisser vers moi ses longs cils d'un dessin parfait, dont l'expression était douce comme une caresse. Comme j'étais fière quand elle voulait bien s'appuyer sur moi au jardin. Les bras entrelacés, nous parcourions ainsi de longues allées, bordées de chaque côté d'épais buissons de roses. Elle causait avec cet esprit élevé et incisif qui la caractérisait. Sa belle tête blonde se penchait vers moi et je la remerciais par un baiser plein de chaleur. « Léa, lui disais-je alors, Léa, je t'aime. » La cloche de l'étude venait bientôt nous séparer, car Mademoiselle de R s'asseyait sur les bancs de la première. Élève accompli, son séjour prolongé au couvent n'avait plus pour motif que la culture des arts d'agrément, où il excellait de façon à faire la gloire de ses maîtres. Le soir venu, nous nous séparions jusqu'au lendemain à l'heure de la messe. Nous passions la nuit dans un dortoir différent. Celui qu'elle occupait communiquait à l'unique vestiaire du pensionnat. J'avais donc quelquefois un prétexte pour la revoir avant de m'endormir. Bien des fois, déjà, Madame Marie de Gonzague m'avait reproché mes oublis journaliers, me menaçant de ne plus tolérer mes absences du dortoir. Un soir du mois de mai, je me rappelle, j'avais réussi à tromper sa surveillance. La prière du coucher était faite, elle venait de descendre pour se rendre chez la mère Éléonore. Ne l'entendant plus dans l'escalier, je traverse doucement le dortoir, plus une grande salle qui servait aux élèves de musique. J'arrive au vestiaire, me munissant au hasard du premier objet venu, et de là, j'atteins sans bruit la cellule que je savais être celle de Léa. Je me penchai sans bruit vers son lit, et, l'embrassant à plusieurs reprises, je lui passai autour du cou un petit crisse d'ivoire, de fort joli travail, qu'elle m'avait paru envier. « Tiens, mon ami, lui dis-je, accepte ceci et porte-le pour moi. » J'avais à peine achevé que je reprenais à la hâte le chemin par lequel j'étais venue. Mais je n'en avais pas fait la moitié que des pas bien connus me firent tressaillir. Ma maîtresse était derrière moi et m'avait vue. Je m'arrêtai, interdite, cherchant en vain à comprimer l'orage. N'ayant pas même cette ressource, je l'attendis bravement. « Mademoiselle, me dit sèchement la bonne religieuse, je ne vous inflige pas de punition. La mère Éléonore s'en chargera demain. » Cette menace portait en elle la peine la plus terrible pour moi. Ce que je ressentais pour notre mère, c'était une espèce d'adoration affectueuse et soumise plutôt que de la crainte. La pensée d'avoir encouru son mécontentement m'était insupportable. Je dormis mal cette nuit-là, et mon réveil fut pénible. À la messe, je n'osais tourner la tête de peur de rencontrer son regard. Pendant la récréation qui suit le déjeuner, une sœur converse vint me dire de me rendre dans le cabinet de la supérieure. J'y entrai en tremblant, comme le condamné devant son juge. Je crois voir encore cette physionomie sereine et imposante. La noble femme était assise dans un modeste fauteuil, tandis que ses pieds reposaient sur un prie-dieu, appuyé à la muraille et surmonté d'une grande croix d'ébène. « Mon enfant, dit-elle tristement, j'ai su votre infraction au règlement. et si ce n'était en considération de la bonne supérieure qui vous a confié à mes soins, je n'hésiterais pas à vous rayer pour cette année de la première communion. Je connais l'attachement qu'elle vous a voué, qu'en toute circonstance j'ai tâché de remplacer. » Puis, changeant de ton et me faisant un signe que je compris, je m'assis à ses pieds sur un petit tabouret. Je pleurais silencieusement, la tête appuyée sur l'un de ses bras, qu'elle ne retira pas. Alors commença pour moi l'une de ces pieuses exhortations qui révélait toute la grandeur de cette âme vraiment pure et généreuse. Je n'en compris peut-être pas toute l'élévation, mais aujourd'hui que j'ai pu juger des hommes et des choses, les accents de cette voix aimée retentissent délicieusement à mon oreille et me font battre le cœur. Il me rappelle cet heureux temps de ma vie où je ne soupçonnais ni l'injustice ni la bassesse de ce monde que j'étais appelée à connaître sous toutes ses faces. Je laissai la mère Éléonore le cœur pénétré de la plus douce joie et de la plus sincère gratitude. La première communion approchait, et avec elle, le moment où j'allais dire adieu aux chastes émotions de mon adolescence, car je devais laisser la communauté pour me rendre à Sainte, près de ma mère. Ce jour était fixé au 16 juillet. Il se leva radieux. La nature semblait s'associer joyeusement à cette fête de l'innocence et de la candeur. 22 jeunes filles allaient s'approcher avec moi de la table auguste. Cet acte solennel, je crois pouvoir dire que je l'accomplis dans les meilleures dispositions. Après le saint sacrifice, qui fut célébré avec toute la pompe que l'on sait déployer dans les maisons religieuses, le parloir fut ouvert à l'impatience de toutes les mères qui venaient presser dans leurs bras les jeunes héroïnes de la fête. La mienne m'y attendait et ne put me voir sans verser de ces douces larmes qui sont les plus éloquentes manifestations de l'amour maternel. Notre entrevue fut trop courte. Les portes se fermèrent bientôt sur elle. Pas une enfant ne devait ce jour-là sortir de l'enceinte sacrée. Les distractions du monde ne devaient pas troubler la sérénité de ces jeunes âmes nouvellement sanctifiées. Je n'ai jamais oublié depuis le fâcheux incident qui vint clore cette journée. La cérémonie touchante du soir fut suivie d'une procession au jardin. Le lieu était admirablement choisi. On ne saurait imaginer rien de plus imposant que cette longue file d'enfants vêtus de blanc à travers les magnifiques allées de ce modeste Éden. Les chants religieux, répétés par des voix fraîches et pures, avaient quelque chose de vraiment poétique qui remuait le cœur. La température, jusque-là tiède et parfumée, devint tout à coup accablante. De gros nuages noirs parcoururent l'horizon et firent présager l'un de ces orages brûlants, si communs sous ce climat élevé. De larges gouttes de pluie vinrent bientôt le confirmer, et lorsque le collège rentra à la chapelle, de sinistres éclairs sillonnaient déjà l'horizon. Malgré moi, mon cœur se serra. Était-ce un présage de l'avenir sombre et menaçant qui m'attendait? Et devais-je le voir apparaître en mettant le pied sur ce fragile esquif qu'on appelle le monde? Hélas, la réalité me l'a appris trop vite. Ce fougueux orage n'était que le prélude de ceux qui m'assaillirent depuis. Je ne pus manger le soir. Un malaise étrange s'était emparé de moi. Avant de m'endormir, j'avais pressé dans mes bras ma chère Léa. Et le baiser que je lui donnai fut triste comme un dernier adieu. Elle aussi, j'allais la perdre, sans doute pour toujours, car nos destinées ne pouvaient nous réunir. 2 ans après mon départ de elle, j'appris que ma pauvre amie avait succombé à une phtisie des plus caractérisées. Sa mort fut un deuil épouvantable pour sa noble famille dont elle était l'idole. Ainsi fut brisée la première affection de ma vie.